fait perdre mon temps, pour ça me texte pas. C'est entièrement de ta faute si ça ne marche pas. J'ai essayé encore, toi tu m'as mis en tort. Notre relation est morte et c'est le destin. Tu me fais perdre mon temps, pour ça me texte pas. C'est entièrement de ta faute si ça ne marche pas. J'ai essayé encore, toi tu m'as mis en tort. Notre relation est morte et c'est le comment destin. Comment veux-tu te plaindre en disant que je te traitais mal? Vu comment t'agissais, t'as cru que j'asterais dans tes mains. Ne me dis pas ce que je dois faire, j'aime pas ça depuis que je suis môme. Mais me parle pas de ta relation car depuis le début elle est morte. Écoute, rien à foutre que ça te plaise ou pas, c'est moi qui m'impose. Et si l'amour a un prix, à ton tour payer les impôts. On était ensemble, tu disais, mais moi je me sentais tout seul. Car je faisais tout sa mère la pute, toi t'attendais des douceurs. Mais c'était pas tout, tu me jugeais partout. Me séquestrais, même tu voulais que je paye trop pour toi, cousine. Je suis pas ton babtou. Et ton ex, on s'en bat tous les couilles. Retourne avec, car 7 ans avec toi, ça doit être le seul à supporter ton caractère de merde et tout ton cinéma. Je me suis tapé fou rire quand t'avais dit qu'on avait le même départ. Ne me dis pas que tu m'aimes, car ma réponse serait tu m'aimes. Cesse derrière ma façon de penser, je sais que t'apprécies toujours le mec. Et c'est une relation que j'aurais pas dû commencer, qui a abouti à rien et sa vie commentée. Vis ta vie, pour la mienne je sais comment faire. Je me suis passé ton odeur et de tes commentaires. C'est une relation que j'aurais pas dû commencer, qui a abouti à rien et sa vie commentée. Vis ta vie, pour la mienne je sais comment faire. Je me suis passé ton odeur et de tes commentaires. Et voilà que tu me renvoies des textes qui me disaient fais-les, qui voulaient partir. Mais depuis le début je t'avais dit fais-le. Tu insistais, moi j'ai jeté l'éponge et j'ai pu lire sur tes lèvres. T'avais le seum à me jeter l'œil. Ah, avec une autre je t'ai remplacé. Tu m'imagines la ken après sans l'embrasser. La peur au vent tu as et fini le sang glacé. Quand tu penseras plus à moi j'aurai fini de l'enlacer. Mais toi tu ne changes pas, ta vie je la connais sans la voir. Ta relation morte s'est suicidée se jetant sur la voie. Rarité t'es vite pas accroché, j'avais du mal à te croire. Car je suis devenu ta drogue au point qu'on semble on passerait pas la douane. De moi t'auras des souvenirs, de toi je suis toujours déçu. Car tu changeras jamais ta façon de penser, j'en suis sûr. Quand tu verses une larme, sache que tu les suis. Le passé m'a seule arme pour combattre le futur. Relation que j'aurais pas dû commencer, qui a abouti à rien et sa vie commentée. Vis ta vie, pour la mienne je sais comment faire. Je me suis passé ton odeur et de tes commentaires. C'est une relation que j'aurais pas dû commencer, qui a abouti à rien et sa vie commentée. Vis ta vie, pour la mienne je sais comment faire. Je me suis passé ton odeur et de tes commentaires. Tu me fais perdre mon temps, pour ça me texte pas. C'est entièrement de ta faute si ça ne marche pas. J'ai essayé encore, toi tu m'as mis en tort. Notre relation est morte et c'est le destin. Tu me fais perdre mon temps, pour ça me texte pas. C'est entièrement de ta faute si ça ne marche pas. J'ai essayé encore, toi tu m'as mis en tort. Notre relation est morte et c'est le destin.